augmenter de place. Apprends cette chanson sans même ouvrir tes livres, tes livres, tes livres. Sans user de salive, tu sauras tes leçons. Tes parents s'écriront étonnés. Wow. On a fait un enfant surdoué. La estime est au tirouliroulirou. Caïmba est au tirouliroulo. La estime est au tirouliroulirou. Caïmba est au tirouliroulo. La estime est au tirouliroulirou. Caïmba est au tirouliroulo. La estime est au tirouliroulirou. Je cantava minha ro. Cette chanson magique, magique, magique a semé la panique dans toutes les écoles. Oh, yeah.